Chapitre 12. Un guide imprévu. L'infortunée Esther avait été garrottée sur la selle du cheval blanc d'Océo, de manière à n'avoir que les mains libres. Elle ne pouvait d'ailleurs faire aucun mouvement, encore moins songer à s'enfuir, tant qu'Aiglenoir se tenait en selle derrière elle. Mais aussitôt que le chef mormon eut abattu le sauvage d'un coup de pistolet, la courageuse fille, sans perdre une seconde, eut la présence d'esprit de lâcher les rênes de sa monture et de fuir au triple galop. Dans la chaleur de l'action, personne ne s'aperçut de son évasion. Dès qu'elle fut à quelque distance, elle s'arrêta auprès d'un rocher, hérissé de cailloux tranchants, à l'aide desquels elle parvint à rompre ses liens. Libre alors de ses mouvements, elle se dirigea vers la plaine, calculant avec beaucoup de justesse qu'elle avait des chances pour y rencontrer ses amis. Son cheval, qui était réellement un noble coursier, l'emporta rapidement au travers des plus affreux défilés. En toute autre occasion, l'aspect seul de ces rocs escarpés, surplombant de noirs précipices, lui aurait donné le vertige et l'aurait arrêté dans sa course. Mais pour fuir la redoutable captivité à laquelle elle venait de se soustraire si miraculeusement, elle aurait traversé l'eau et le feu. Sans cesse, préoccupée de la crainte d'être poursuivie et reprise, elle prêtait une oreille inquiète et jetait des regards effarés en arrière. L'obscurité, qui survint promptement, tout en lui donnant l'espoir de n'être pas vue, l'effraya vivement, car elle songea qu'elle n'y verrait plus à se conduire. Quand l'orage éclata, la malheureuse fugitive était encore en plein bois dans la montagne, totalement désorientée au milieu des ténèbres. Elle perdit courage, laissa les rênes tomber sur le cou de son cheval, et se mit à pleurer les mains jointes, adressant au ciel une prière ardente et désolée. Puis, courbant la tête sous le grondement de la foudre, tremblante au sinistre hurlement de l'orage, éblouie par les éclairs, elle laissa son cheval errer à l'aventure. Les heures, de longues heures d'agonie, s'écoulèrent sans rien voir et rien entendre qui pût révéler l'approche d'un ennemi. Tout à coup, à la lueur des feux du ciel, elle s'aperçut avec une indicible terreur qu'elle était suivie par un fantôme noirâtre. À plusieurs reprises, la même vision terrible frappa ses regards. Elle n'en put douter, un Indien était sur sa piste. Le cheval s'arrêta plusieurs fois. À chaque station, l'ennemi se rapprochait d'elle. La pauvre Esther se sentait mourir d'effroi. Un torrent se présenta sur la route. Le cheval hésita avant de le traverser. À ce moment, Esther sentit une main froide se poser sur son épaule. Son cœur se glaça dans sa poitrine. Elle ferma les yeux. « Oh ! S'écria-t-elle d'une voix mourante, « ne me touchez pas ! Tuez-moi ! Tuez-moi, pour l'amour de Dieu !» Elle ne reçut aucune réponse. La main demeura immobile sur son épaule, mais sans user de violence. À ce moment, l'orage s'apaisait. Avec lui s'enfuyait l'ombre et les premières clartés de l'aurore commençaient à sourire dans le ciel. Esther se hasarda à ouvrir les yeux. Elle regarda ce fantôme terrible au pouvoir duquel elle venait de tomber. C'était Océo. Océo, qui, le sourire sur les lèvres, inclinait vers elle son noble et fin visage. Océo, le chef traiteusement frappé, qui lui apparaissait vivant, faisait entendre sa voix harmonieuse et vibrante. « L'enfant n'efface pas les sauvés. Les gens du lac ont trouvé sa trace solitaire dans la montagne. » Sans y songer, Cœur Droit lui avait parlé dans l'idiome des Dakotas. Mais s'apercevant qu'elle ne le comprenait pas, il sourit et reprit sa phrase en français. Puis il continua. Pendant que l'orage envoyait sur la terre le souffle redoutable du grand Manitou, Océo a aperçu dans la nuit obscure son cheval blanc qui passait. Semblable au coursier qui transporte les guerriers dans la vallée noire de la mort, Océo l'a suivi avec joie. « Mais je vous ai vu rouler dans le précipice ?» reprit Esther en le considérant avec des yeux effarés. Le grand Manitou qui donne des ailes à l'aigle peut soutenir dans l'air un de ses enfants. Les chiens de la mort hurlaient, attendant mon sang dans les cavernes profondes. L'arête d'un rocher s'engagea dans mon vêtement et me retint suspendu en l'air. Un homme blanc, blanc de peau mais non de cœur, me tira un coup d'arme à feu. La balle coupa mon vêtement, mais Océo est plus souple que la panthère. Il se cramponna au rocher glissant et d'un bond disparut dans une caverne. Dieu du ciel, est-il possible? Un blanc a-t-il pu commettre une pareille horreur? Il y a des cœurs noirs et vils parmi les blancs, comme parmi les peaux rouges. Cet homme était le sachem du lac Salé. Le chef mormon, Dieu merci, ce n'est pas un des nôtres. La course a été longue, la nuit froide. La jeune fille au teint de neige tremble comme une colombe qui aperçoit le faucon. Oui, je me sens glacée. Derrière ces arbres, il y a une grotte. Que la jeune fille y entre. Océo allumera du feu pour réchauffer ses membres et sécher ses petits pieds. Là, elle se reposera. Océo fera le guet pendant son sommeil. Mais qui donc êtes-vous ? Un Dakota. Et l'aigle noir ? Il ne retrouvera jamais la jeune fille. Qu'elle ne craigne point Océo. Il ne lui fera aucun mal. Non, non, je n'ose point. La langue parle et le cœur est sincère. J'ai confiance en vous car vous avez été bon pour moi. Pourtant, vous êtes un Indien, un inconnu. Je suis un homme, répondit noblement Océo en posant la main sur sa poitrine. Alors, il la prit par la main et la conduisit dans la caverne. Comme si les incertitudes et les méfiances de la jeune fille l'eussent choqué, il ne lui adressa plus la parole. Mais après avoir promptement allumé un grand feu, il se hâta de préparer un lit de feuilles sèches que l'orage avait amassé à l'entrée de la grotte. Puis il improvisa un verre en écorce d'arbre et donna quelques gouttes d'eau fraîche à Esther, que le frisson avait quittée mais que la fièvre rendait brûlante. Enfin, tirant de sa gypsière des tranches de daim rôti et du grain bouilli dans du lait à la manière indienne, il déposa ses vivres à ses pieds et fit mine de se retirer. « Je vais maintenant soigner mon cheval, » dit-il. Esther fondit en larmes. Son pauvre cœur brisé se soulageait. Elle lui dit avec effusion, « Oh, pardonnez-moi d'avoir douté de vous. Les terreurs de cette affreuse nuit m'ont rendu folle. » Un nuage passa sur les yeux d'Océo. Il se détourna brusquement et répondit avec dureté, « Que la fille du chef pâle s'endorme, bannissant de son esprit toute noire pensée. Elle reverra les wigwams errants de son peuple. » Mais auparavant, il faut que le repos répare ses forces. L'homme du lac veillera auprès d'elle, comme le ferait sa mère. Quand le soleil sera levé, quand les oiseaux, par leur chant, adresseront une prière joyeuse au grand Manitou, Océo la réveillera et sera son guide. Merci, mille fois merci. Oui, me voilà bien heureuse. Mais mon père, mon pauvre cher père... La joie reviendra dans son cœur, dormez. Les herbes de la forêt sont douces, comme les roses des jardins de l'Est, où les papillons d'or et les oiseaux chanteurs boivent la rosée dans des vases de soie. Dormez, mademoiselle, et que Wakatanks, l'esprit de l'air, de la terre et des aïeux, vous envoie d'heureux songes. Dormez. À ces mots, l'Indien se retira. Esther contempla longtemps son profil noble et fier, sa taille élégante, qui se dessinait à l'entrée de la grotte. Par discrétion, l'inconnu tourna le dos à l'intérieur de la caverne et resta immobile comme une belle statue. Le cœur de la jeune fille ne pouvait être insensible au bon traitement d'Océo. Sa grâce hautaine, ses allures tour à tour empreintes de la rudesse sauvage de la plus exquise civilisation, sa voix douce, son visage ouvert, et pourtant attristé par une inexplicable mélancolie. Tout était mystère en lui. De ces mystères qui font rêver les jeunes filles. Demi-couchée sur le lit odorant et moelleux que son sauveur avait dressé pour elle, Esther le contempla longtemps, perdue dans ses pensées profondes, demi-triste, demi-joyeuse, demi-inquiète, demi-paisible. Enfin, vaincue par la fatigue, elle se laissa aller dans son nid de mousse, ferma ses jolis yeux et s'endormit.